Vénérable Sayado Upanyasami, retraite Vipassana 2002. Deuxième jour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 7 bénéfices qu'amène la pratique de la méditation Satipatthana Vipassana, la méditation sur les 4 établissements de l'attention. Si nous comprenons les bénéfices que peut amener cette pratique, nous aurons le courage de travailler de façon diligente puisque nous en aurons compris les avantages. Le Bouddha lui-même, avant d'expliquer comment pratiquer Vipassana, en a énoncé les bénéfices. Le premier de ces bénéfices, a-t-il dit, c'est la purification des êtres. C'est très important. La purification des êtres, c'est en réalité la purification de l'esprit des êtres. Tous les jours, du matin au soir, nous pouvons observer le fonctionnement de notre esprit. Il y a, à chaque instant, des impuretés dans notre esprit, soit de la colère, soit de l'ignorance, soit du désir. Toutes ces choses sont appelées les impuretés. Nos esprits ne sont donc pas purs. En général, ils ne sont pas clairs, puisque envahis par ces impuretés, avidité, colère, haine, ignorance, etc. Il y aura parfois de l'orgueil, parfois de l'égoïsme, et tout ceci rendra notre esprit impur et peu clair. À cause de ces impuretés, il ne sera pas possible de vivre en paix, de vivre sereinement. Pour trouver la paix et l'harmonie, il faudra que nous pratiquions la méditation Satipatthana. Le Bouddha nous dit de façon tout à fait explicite qu'en essence, l'esprit est pur. Ce sont les impuretés qui le rendent impur. Les impuretés contaminent et souillent l'esprit. Il faudra donc que nous nous débarrassions de ces impuretés. Comment allons-nous faire? Le Bouddha nous dit qu'il faudra pour cela pratiquer les 4 établissements de l'attention. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à la conscience et l'attention au Dhamma. Nous devrons établir notre attention sur ces 4 bases. Au début de la retraite, vous avez entendu la cassette avec les instructions du Vénérable Mahasi Sayado. Elles sont basées sur le Satipatthana Sutta et elles expliquent comment il faut faire pour être attentif. Il faut que le méditant place son esprit sur les mouvements de l'abdomen et les noter avec précision. Pour noter avec précision, il devra fournir un effort mental, sans quoi son observation ne sera pas précise. Cet effort soutenu est appelé atapa en pali. Si vous ne fournissez pas atapa, l'esprit ne va pas heurter l'objet. L'esprit est très rapide et difficile à contrôler, c'est pourquoi il faut fournir cet effort, observer avec précision et se débarrasser ainsi des kilesas. Si vous notez avec précision, au moment où vous notez, votre esprit est clair et pur, car il est débarrassé de la tristesse, de l'inquiétude, de la colère. Autrement dit, il n'y a à ce moment-là aucune impureté dans l'esprit. Si vous notez de façon ininterrompue et correctement, vous pourrez constater par vous-même que votre esprit est devenu pur. Si vous maintenez votre attention de façon ininterrompue, l'esprit va devenir très clair et très pur. Cette clarté et cette pureté, c'est précisément ce dont le Bouddha nous parle la purification des êtres, la purification de l'esprit des êtres. Vous pourrez constater par vous-même que lorsque vous êtes attentif de façon précise au mouvement de l'abdomen, votre esprit est en paix. C'est le premier bénéfice de la pratique de Satipatthana. Un esprit pur voit clairement, il voit clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il les voit tels qu'ils sont. Que veut dire l'expression « voir tels qu'ils sont » ? C'est voir les caractéristiques de anicca, dukkha et anatta, l'impermanence, l'insatisfaction et l'insubstantialité. C'est parce que nous ne sommes pas illuminés que nous ne voyons pas clairement les choses. Notre esprit est en permanence encombré par les impuretés. Mais lorsque l'esprit sera devenu pur, nous pourrons très clairement voir les caractéristiques de anicca, de dukkha et de anatta. Voir clairement ces trois caractéristiques, c'est le second bénéfice de la pratique de Satipatthana, la sagesse. Pour noter correctement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, autrement dit, pour pouvoir pratiquer correctement l'attention au corps, il faut suivre les instructions. Les instructions, qui sont celles du Bouddha, exigent que l'on maintienne le haut du corps bien droit, de se choisir une posture confortable qui ne soit pas rigide. Il faudra ensuite respirer correctement, c'est très important. On demande de ne pas respirer ni trop fort ni trop faiblement. Si on respire trop fort, nous allons nous fatiguer et nous ne pourrons plus pratiquer correctement. Si par contre nous respirons trop faiblement, la paresse va se manifester et nous n'aurons plus envie de pratiquer. C'est pourquoi il faut respirer correctement, de façon naturelle, mais avec application. Respirer avec application veut dire qu'il faut prendre des inspirations et des expirations un peu plus fortes que de coutume, de façon à pouvoir sentir clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement dans l'abdomen. Les yogis expliquent parfois qu'ils ne ressentent pas ces mouvements au niveau de l'abdomen, mais qu'ils les ressentent dans la poitrine. C'est vrai, si la respiration est courte, les mouvements ne seront pas ressentis dans l'abdomen, mais bien dans la poitrine. C'est pour cette raison que je vous demande de respirer un peu plus fort que d'habitude, de respirer de façon complète, de façon à ce que l'air descende jusque dans la région du nombril. Vous pourrez alors percevoir très nettement les mouvements dans cette région. La façon de respirer est donc très importante. Nous devons être très attentifs et pratiquer la respiration de façon appliquée et pendant toute la séance de méditation assise. Il arrive parfois que le méditant respire avec application pendant 2 ou 3 respirations, mais après il oublie. C'est pour cette raison que le Bouddha a parlé de atapa, l'effort soutenu. Victoire sur le chagrin et les lamentations. C'est un autre bénéfice de la pratique de Satipatthana. Étant des êtres non illuminés, nous sommes condamnés à expérimenter le chagrin et les lamentations, tout simplement parce que nous vivons en compagnie d'autres personnes. Si un membre de notre famille venait à mourir, nous serions tristes, et plus l'attachement pour cette personne est fort, plus la tristesse est grande. Nous allons pleurer, nous allons nous lamenter. Mais nous savons comment nous protéger contre cette tristesse, nous serons soulagés. le Bouddha annonce que Satipatthana est le seul moyen d'échapper au chagrin et aux lamentations. Plus nous pratiquerons, plus nous nous libérerons du chagrin et des lamentations. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à surmonter ces choses non seulement du temps du Bouddha, mais également à notre époque actuelle. Je voudrais évoquer ici à ce sujet l'histoire d'une jeune femme qui vivait du temps du Bouddha. Cette femme avait un mari et deux fils, et voilà que toute sa famille en vient à mourir. Cette femme était si triste qu'elle en devint folle. Elle ne savait même pas qu'elle courait toute nue. Elle rencontra le Bouddha qui lui rappela d'être attentive. Cette femme avait des paramis qui lui venaient de vies antérieures et réussit donc à pratiquer l'attention. Elle put ainsi surmonter le chagrin et les lamentations. Il faut comprendre que la tristesse est une forme de colère. Les pleurs également sont une forme de colère. Au moment où nous nous plaignons, au moment où nous pleurons, il y a donc de la colère dans notre esprit. S'il y a de la colère dans l'esprit, il n'est pas possible de vivre en paix et il n'est pas possible de pratiquer l'attention. Il faut donc que nous nous débarrassions de cette impureté. C'est en notant de façon attentive le corps et l'esprit que nous allons nous en débarrasser. Il est très important de noter les objets du présent. Il ne faut pas noter les objets qui appartiennent au passé, il ne faut pas noter des objets qui appartiennent au futur. Ce qu'il faut noter, ce sont les objets du présent. Et en notant les objets du présent, nous en comprendrons les caractéristiques. Ceci est très important. Victoire sur la souffrance physique et sur la souffrance mentale. C'est un autre bénéfice de la pratique de Satipatthana. Par l'établissement de l'attention, il est possible de se débarrasser de la souffrance physique et de la souffrance mentale. La souffrance physique, ce sont par exemple les maux de tête, les tensions. La souffrance mentale, c'est par exemple la dépression, l'inquiétude, etc. Lorsque ces choses se présentent, il faut les noter. Il ne faut pas les ignorer. Si nous les ignorons, nous ne réussirons jamais à les surmonter et nous ne comprendrons pas comment il est possible de se débarrasser de cette souffrance par la pratique des quatre établissements de l'attention. Nous devons comprendre comment fonctionne l'esprit. Il faut comprendre que l'esprit d'une personne qui n'est pas illuminée est très sensible. Lorsque la souffrance se présente, une telle personne est incapable d'être patiente. Mais si nous pratiquons la méditation vipassana, c'est pour apprendre à être patient face à la douleur. La douleur va se manifester surtout au début de la pratique. Le Bouddha enseigne qu'il y a trois types de sensations, les sensations désagréables, dukkha, les sensations agréables, sukha, et les sensations neutres, adukkha, asukha. En posture assise, il faut rester immobile, et forcément les sensations déplaisantes vont apparaître tôt ou tard. Lorsqu'elles se manifestent, il faut en prendre conscience, il faut les noter, il ne faut pas les ignorer. Si nous les ignorons, cela revient à ignorer la compréhension. C'est la raison pour laquelle nous devons nous entraîner à noter ces sensations désagréables avec patience. Il faut noter avec précision et ne pas les ignorer. Au début de la pratique, nous allons expérimenter des sensations très intenses. Essayez de ne pas abandonner. Essayez de ne pas changer de posture, de ne pas bouger le corps. Vous allez ainsi développer votre attention. Lorsqu'elle sera devenue très forte, vous expérimenterez d'autres types de sensations. Même si la douleur est très intense, elle ne vous affectera plus autant. Elle ne va plus vous distraire et empêcher votre attention de se maintenir. Vous allez alors tout doucement commencer à expérimenter un autre type de sensation, des sensations agréables. Mais lorsque ces sensations agréables se manifestent, il faudra également les noter, et il faudra le faire de façon ininterrompue. Vous allez ainsi en arriver petit à petit à expérimenter les sensations neutres. Vous aurez alors expérimenté les trois types de sensations dont parle le Bouddha, les sensations désagréables, les sensations agréables et les sensations neutres. Pour ce qui est de la souffrance mentale, il arrive très souvent qu'il y ait en nous la tristesse, l'inquiétude, etc. Ce sont des sensations émotionnelles. Lorsque ces sensations émotionnelles apparaissent dans l'esprit, vous devrez également les noter avec précision. Si vous voulez vous en débarrasser, vous devez les noter avec beaucoup de précision et de patience. Lorsque votre capacité à noter, votre attention sera devenue très forte, vous pourrez constater par vous-même comment il est possible de se débarrasser de la tristesse. Mais ce sera peut-être difficile au début. Il faudra suivre les instructions. Dès que ces choses apparaîtront dans l'esprit, il faudra les noter. Lorsque l'attention sera devenue forte, vous verrez que la tristesse disparaît par l'attention. Vous aurez ainsi compris ce que le Bouddha veut dire lorsqu'il parle de surmonter la souffrance physique et la souffrance mentale par Satipatthana. L'atteinte du noble chemin et du noble fruit. C'est également un bénéfice de la pratique de Satipatthana. Tant que nous n'aurons pas atteint le noble fruit, nous serons condamnés à reprendre naissance dans des plans chaque fois différents. Il n'est pas possible de ne reprendre naissance que dans le plan humain. Selon les enseignements du Bouddha, il y a 31 plans d'existence dans lesquels l'individu est susceptible de reprendre naissance. Si nous pratiquons dana, la générosité, il est possible que nous reprenions naissance dans le plan humain ou dans le plan des devas, les êtres célestes. Si nous faisons des actions négatives, nous ne pourrons pas reprendre naissance ni dans le plan des devas, ni dans le plan humain, mais nous reprendrons naissance dans les plans inférieurs. Si nous pratiquons la méditation samatha, il est possible que nous reprenions naissance dans les plans célestes. Tant que nous n'aurons pas atteint l'illumination, nous serons donc condamnés à reprendre naissance dans le samsara, dans l'un de ces 31 plans d'existence. Lorsqu'on dit qu'on veut se libérer, cela veut en fait dire qu'on veut se libérer du cycle du samsara. Les maux de tête, les maux de dos, les douleurs physiques ne sont pas encore réellement la souffrance. La vraie souffrance, c'est la naissance, la vieillesse, la décrépitude et la mort. Le Bouddha nous dit que la naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la décrépitude est souffrance, la mort est souffrance. Personne ne veut vieillir, personne ne veut subir la décrépitude, personne ne veut mourir. Mais tant que nous n'aurons pas atteint l'illumination, nous serons condamnés à reprendre chaque fois naissance, et donc à devoir subir la vieillesse, la décrépitude et la mort. Pour échapper à tout cela, il faudra mettre fin à ce cycle infernal. Et pour y arriver, nous devons pratiquer les quatre établissements de l'attention. En pratiquant les quatre établissements de l'attention, nous nous donnons une chance d'atteindre l'illumination et de mettre fin aux souffrances du samsara. Au cours de votre pratique, il ne sera pas facile de mettre fin aux impuretés, même si vous vous y efforcez. Vous allez expérimenter les empêchements, mais si vous fournissez un effort mental, vous réussirez à vous en débarrasser. Votre esprit va devenir pur, et un esprit pur peut percevoir la nature transitoire, insatisfaisante et insubstantielle des phénomènes. Un esprit pur peut franchir les étapes de connaissance vipassana et finalement réaliser le noble chemin, le noble fruit et la conscience du sotapanna. La personne qui atteint le fruit du sotapanna met fin au cycle du samsara et donc aux souffrances sans fin qui y sont liées. Il n'a plus que cette vie à vivre au maximum. Il ne pourra plus jamais reprendre naissance dans les plans inférieurs car les portes des apayas sont définitivement fermées. Si cette personne poursuit sa pratique, elle pourra atteindre le fruit du Sakatagami, celui qui ne revient plus qu'une fois dans le monde d'expérience sensorielle. S'il poursuit encore sa pratique, il peut atteindre le fruit de l'anagami, le troisième niveau d'éveil, et il ne reviendra plus jamais dans le monde d'expérience sensorielle. S'il poursuit encore sa pratique, il pourra se débarrasser définitivement de toutes les formes de kilesa et atteindre l'état d'arhat. Vous voyez donc qu'il est possible d'atteindre l'illumination et de réaliser la paix éternelle. Si vous pratiquez les quatre établissements de l'attention et que vous réussissez à expérimenter ne fût-ce qu'un des stades d'éveil, vous comprendrez en quoi consiste réellement Nibbana, la paix véritable, et c'est par votre propre expérience que vous l'aurez compris, par votre propre pratique. Donc, lorsque vous pratiquez les quatre établissements de l'attention, vous pouvez expérimenter ces sept bénéfices dont parle le Bouddha. Mais il faut bien comprendre les instructions du Bouddha si nous voulons réellement obtenir des résultats dans la méditation. Le Bouddha a parlé de atapa, un effort soutenu. Il a parlé de Satima, l'attention ininterrompue. Il faudra également que nous travaillions avec application. Nous pourrons ainsi expérimenter la véritable nature des choses. Nous pourrons comprendre clairement. Comprendre clairement, c'est ce que le Bouddha appelle Sampajana. Sampajana, c'est la claire compréhension. Je suggère donc aux méditants de suivre les instructions. Lorsqu'ils pratiquent en posture assise, ils doivent noter l'objet primaire de façon très précise, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous observez ces mouvements, essayez d'être très précis. Si vous y arrivez, votre esprit va pouvoir percevoir ce processus et le suivre du début à la fin. Il verra le début du soulèvement et la fin du soulèvement. Il verra le début de l'abaissement et la fin de l'abaissement. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faille noter le début et ensuite la fin de ces mouvements. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir l'attention de façon ininterrompue pendant toute la durée du processus. Pour le moment, il est possible que vous ne soyez pas capable de le faire. Cela n'a pas d'importance. Essayez d'y arriver. Si vous vous efforcez de suivre le mouvement de façon très précise, vous réussirez tôt ou tard à suivre ce mouvement du début à la fin. Vous connaissez tous la signification de vipassana. Vipassana, c'est noter et observer tout ce qui se manifeste, aussi porte sensorielle. Tous ces contacts doivent être notés. Lorsque vous voyez quelque chose, vous devez noter voir. Lorsque vous entendez, vous notez entendre. Lorsque vous sentez, vous notez sentir. Lorsque vous goûtez, vous notez goûter. Lorsque vous touchez, vous notez toucher. Et lorsque vous pensez, vous notez penser. C'est cela vipassana. Mais au début du stage, il n'est pas possible de noter tous ces contacts sensoriels, parce que vous êtes encore au début de la pratique, votre attention n'est pas encore très puissante, votre énergie non plus n'est pas encore développée, vous vous efforcez pour le moment de renforcer votre énergie mentale et de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant du mieux que vous le pouvez, mais vous n'avez pas encore la concentration. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de se limiter à l'objet primaire, parce que c'est plus facile. Il faudra que vous procédiez, comme je l'ai expliqué précédemment, en respirant avec application, de façon à pouvoir ressentir les mouvements dans l'abdomen. Ainsi, vous deviendrez bientôt capable de noter correctement ces mouvements pendant un certain temps. Vous allez alors réussir à être attentif aux autres objets au moment précis où ils se manifestent. Vous pourrez facilement alors noter les contacts sensoriels qui se manifestent aux six portes des sens, comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Donc même si vipassana, c'est observer tous les contacts sensoriels, il est recommandé au début de se limiter au mouvement de l'abdomen, car c'est plus facile. I will stop here today. Tomorrow I will continue.